Légende de la Vierge de Münster, écrit par Quatrel, lu par Armen pour audiocité.net. Premier chapitre, appel. Laissez venir à moi les petits enfants, je veux leur conter de belles histoires. Je les conduirai là où se fabriquent les pierres précieuses, où s'enroulent et s'enchevêtrent les racines, où germent les semences, où se distille l'eau des sources. Je leur dirai pourquoi le perroquet parle, pourquoi l'oiseau de paradis nous fuit, comment et pourquoi l'enfant Jésus fit le portrait de sa sainte mère, Madame la Vierge, le seul authentique. Nous assisterons à la toilette des insectes et des papillons, nous descendrons dans les volcans, nous longerons la prison de cristal où grelottent les étoiles filantes. En route, chers petits, nous allons voguer sur des lacs parfumés, dans des gondoles d'ambre et d'ivoire, nous traverserons le purgatoire et côtoierons le paradis. Venez, n'est-ce pas un beau train de plaisir, celui-là ? Dans une heure, nous serons de retour et nous aurons fait, sans fatigue et sans danger, le plus splendide des voyages. En route, et que Dieu vous garde. Quatrel. Ce qui se passait à Münster en 1535. Münster est, de nos jours, une jolie ville de bonne et honnête renommée, dans laquelle vivent, paisibles et réjouis, 35 000 Prussiens, à quelques-uns près. La brise allemande promène dans les rues de la ville l'odeur du fromage, du hareng, de la soupe à l'oignon, du punch, du boudin fumé et des bonnes grosses pipes. Le pays est plat comme un sou. La rivière qui l'arrose s'appelle l'Aa. C'est assez de géographie comme cela, n'est-ce pas? En 1535, au mois de mai, alors que commence cette légende, la ville de Münster ne ressemblait guère à ce qu'elle est aujourd'hui. Il n'y avait dans tout le pays ni hareng ni oignon, parce qu'on les avait tous mangés, ni Prussiens, parce qu'ils n'étaient pas encore inventés, ni pipe ni tabac, parce que la civilisation n'était pas assez avancée pour que l'on prît plaisir à se mettre dans la bouche et dans le nez quelque chose de sale qui sent mauvais. Depuis le commencement du XVIe siècle, l'Europe était un vaste champ de carnage. Jamais de mémoire de corbeau on n'avait vu pareil massacre. Les peuples, les princes et les rois s'entre-déchiraient et se dévalisaient les uns les autres. La guerre est une chose monstrueuse. Pour la faire, il faut un prétexte. En ce temps-là, le prétexte était la religion, l'amour et le respect de Dieu. De Dieu, qui veut que nous nous aimions les uns les autres et qui a tout disposé pour que nous soyons heureux. Je me garderai bien de vous faire le récit de ces luttes sacrilèges. Savourez à cœur joie ce qui vous vient directement de notre Créateur, mes chers petits. Le gai soleil, les bois pleins d'ombre, les fleurs, les fruits, la tendresse des chers vôtres, le sommeil plein de beaux rêves, et ceci et cela. Plus tard, il vous faudra subir l'œuvre des hommes. N'allez pas au-devant de ce temps douloureux. Dans la ville, vainement attaquée depuis 15 mois, une poignée de misérables combattait à outrance, donnant à la débauche ses derniers instants. Celui qui les commandait portait le titre de roi prophète. Il se nommait Jean Bockelzone et prétendait être l'envoyé de Dieu. Ce n'est pas du ciel qu'il venait, on n'y reçoit pas si mauvaise compagnie. L'Aide était la patrie de cet apôtre de contrebande. C'est dans un cabaret malfamé, à l'enseigne des trois harengs, qu'il s'était préparé à gouverner les hommes. Jean Bockelzone régna 1 an dans la ville assiégée. Il y a vraiment des peuples qui ne sont pas difficiles. Il est vrai que le peuple de ce roi de cabaret se composait de pillards éhontés auxquels on donnait le nom d'anabaptiste ou rebaptisant. Ceux qui vous apprendront l'histoire des guerres de religion vous expliqueront l'étymologie de ces mots-là. Vous chanterez un jour, comme nous l'avons fait, la gloire d'un roi jamais illustre et dont je serais bien embarrassé de vous dire le nom. Comme Jean de Leyde, ce grand monarque régnait sur une petite ville. Je parierais gros que vous préférerez, et de beaucoup, le petit roi d'Yvetot à son sinistre collègue, le roi de Münster. En 1680, n'oubliez jamais cette date, la France s'annexa l'Alsace. Comme l'appétit vient en mangeant, l'année suivante, elle s'annexa le royaume d'Yvetot. Le dessert après les grosses pièces. Il ne lui en coûta qu'un arrêt du Parlement, quelques gouttes d'encre au lieu de flots de sang. Pour le quart d'heure, Yvetot seul nous reste. Toujours est-il qu'en mai 1535, Münster était investi depuis 15 mois par les troupes du prince-évêque dépossédé François de Waldeck, auquel étaient venues se joindre les hordes indisciplinées des électeurs de Saxe, de Cologne, de Mayence et de Trèves, celles aussi des ducs de Clèves et de Brunswick. Le comte Wirich de Falkenstein les commandait. Ici j'ouvre une nouvelle parenthèse. N'allez pas croire, mes chers enfants, que les électeurs de Saxe, de Cologne, de Mayence et de Trèves étaient de bonnes gens qui s'en allaient, à des époques déterminées, quels que fussent leur rang, caste et profession, déposer leur bulletin de vote dans l'urne électorale. Ah bien oui, en ce temps-là, on nommait électeurs les princes les plus puissants, investis du droit exclusif de choisir et de proclamer le chef de l'État. Nous avons changé tout ça. Les princes votaient pour décider du sort des peuples. Les peuples votent pour décider du sort des princes. Et encore, lorsqu'ils sont très pressés, les peuples négligent quelquefois de voter. Cela s'est vu. Je referme la parenthèse. Ce qui distinguait les assiégés des assiégeants, c'est que les premiers pillaient l'intérieur de la ville, tandis que les seconds en pillaient les alentours. Dieu, qui n'était pas en cause, quoique toujours invoqué, n'intervenait pas entre les combattants. Le siège, commencé le 28 février 1534, suivait lentement son cours. Les rues avaient été labourées et ensemencées, mais le temps de la récolte était loin et les vivres étaient épuisés. On avait mangé les feuilles des arbres, l'herbe des fossés, la mousse des toits, les chevaux, les chiens, les chats, tout. Il ne restait plus un rat dans les caves, ni une souris dans les greniers. Vous pourriez croire que cela réjouissait les ménagères d'en être délivrées. Ah bien oui, elles auraient de grand cœur exposé leur linge pour avoir l'occasion de fricasser de loin en loin un des vilains rongeurs qui leur font si peur d'ordinaire. Pendant que son peuple se serrait le ventre, Jean Bockelzon engraissait. Dans son palais, les fêtes succédaient aux fêtes sans interruption. Lorsque les mauvaises têtes faisaient mine de se fâcher, le cabaretier couronné, entouré de ses chenapans les plus redoutés, leur adressait une harangue. Il prétendait avoir reçu la visite de Dieu, avec cela que Dieu se serait dérangé pour rendre visite à un pareil drôle, à moins que ce n'eût été pour le châtier d'importance. Les épreuves que vous subissez sont le prix de vos fautes, disait Jean de Leyde. Résignez-vous, faites pénitence. Vous nous reprochez de ne pas partager vos épreuves, n'ayant rien à expier. Pourquoi pâtirions-nous? Je devrais vous exterminer tous cœur sans foi. Quiconque souffre à cette heure est ou a été l'ennemi du Très-Haut que je représente sur la terre. Bénissez-moi et profitez en silence de ma patience surhumaine. » Puis il s'emparait de tout ce que possédaient les mécontents afin de décourager ceux qui eussent été tentés de les imiter. Il arriva cependant un jour que 900 malheureux, plus hardis que les autres, envahirent le palais du prophète. Ils exigeaient qu'on leur ouvrît sur l'heure les portes de la ville. Jean de Leyde les reçut au sortir de table. Il leur reprocha la bouche encore pleine, leur amour effréné pour la bonne chère, le luxe et la mollesse, leur peu de courage et de foi. Ils avaient tous le ventre vide, les malheureux, un reste de peau sur les os et sur le dos des guenilles. Ces affamés récalcitrants pouvant, en somme, à un moment donné, devenir gênants, le roi autorisa leur départ, après qu'il les eut dépouillés. Les 900 spectres se traînèrent hors de la ville, repoussés par les assaillants qui craignaient qu'ils n'allassent au loin prêcher la révolte, traités en bêtes fauves, décimés du haut des remparts par ceux qu'ils avaient abandonnés, ils achevèrent presque tous de mourir dans les fossés. Trois jeunes garçons avaient résolu de franchir coûte que coûte les rangs de l'armée épiscopale. Bien que la nuit fût profonde et que rien ne les effrayât, à peine eurent-ils mis le pied dans le camp qu'ils furent surpris et arrêtés. On les conduisit auprès du généralissime comte de Falkenstein. L'aîné de ces jeunes gens se nommait Hänsel Eck. C'est le héros de cette légende.